Chapitre 5e. Cependant, poussé par cet instinct de conservation dont nous ne sommes abandonnés qu'avec le dernier souffle, j'allais continuant de bouleverser ce cabinet, accumulant tous ces meubles les uns sur les autres devant de la porte, afin de me faire à son défaut un second rempart. Ce fut alors qu'au moment où je soulevais un guéridon en le déplaçant, je vis soudain jaillir sous mes pieds une faible lumière. Je me jetai à genoux afin de chercher ce qu'elle était et d'où elle venait, et je reconnus qu'elle partait d'un trou creusé dans le vide de deux carreaux détachés du sol et fermés au fond par un petit châssis revêtu de toile au travers duquel elle passait. À cette clarté inattendue, je me sentis ranimé. Était-ce mon étoile elle-même qui venait de me luire? Les mains jointes, je remerciai Dieu tout d'abord de ce rayon d'espérance qu'il m'envoyait. Je levai le châssis et la lumière qu'il voilait monta plus éclatante. J'appliquai l'œil à l'entrée du trou et je vis qu'il donnait dans une grande chambre éclairée par deux flambeaux posés sur une table, et où se promenaient, en long et en large, plusieurs hommes s'entretenant avec vivacité. Vous pensez bien que, troublé comme je l'étais, je ne songeais point à écouter leurs paroles, ni à chercher ce qu'ils pouvaient être. La soudaine inspiration qui me vint ne m'en laissait guère d'ailleurs le loisir. Je vous ai dit que le trou s'ouvrait dans le vide de deux carreaux enlevés. Or, un carrelage est comme un tricot, qui, dès qu'une maille s'en échappe, se défait ensuite aisément tout entier. Ainsi, une brique manquant, rien de plus facile que d'arracher les autres. Le madague, qui m'était par bonheur resté, j'en fis sauter 5 ou 6, puis j'élargis toute l'ouverture en proportion, creusant entre 2 poutres dans la terre et le plâtre qui n'offrait plus nulle résistance. À ce moment, les efforts de mes assaillants n'avaient pas moindre succès, car la porte s'entr'ouvrait, soulevée hors de ses gonds. Mais moi, j'avais achevé en même temps de me faire un chemin suffisant. J'étais encore, à vrai dire, en une horrible crise. Si les voix des assassins m'arrivaient plus claires et plus menaçantes, j'en entendais d'autres aussi sous mes pieds. Et puis, si je me précipitais parmi ces inconnus, en cet appartement inconnu, de quelle hauteur serait ma chute? Entre les deux dangers, pourtant, je n'hésitais pas, rompant du poids de mon corps les planchettes et le mastic qui en gênaient encore le passage, ayant fait le signe de la croix, et appelai de nouveau la Sainte Vierge à mon aide, je me laissai glisser. Je tombai au pied d'un lit, et bien que je m'y heurtasse rudement la tête, les matelas et les couvertures qui débordaient le bois amortirent la force du coup qui ne fit guère que m'étourdir. Mais ce ne fut pas là le plus grand prodige de ma bonne fortune. Quelle ne dut point être, je vous le demande, mon admiration lorsque, revenant à moi, je vis que ce lit sur lequel j'étais tombé était le mien, que j'étais en ma propre chambre. Lorsque je reconnus dans ces hommes que j'avais entendus d'en haut et qui, au moment de ma chute, étaient venus sur moi l'épée levée, mes propres gens et mon frère, lorsque je me sentis pressé dans leurs bras, je leur prenais les mains, je les appelais par leur nom, je touchais les murs de mon alcôve. Oh, c'était bien mon frère et mes gens, c'était bien mon logement, mais j'en atteste la sainte figure du Dieu de Jaen, je tenais l'événement à pur miracle. Redevenu capable de rassembler quelques idées et de les exprimer, j'avais raconté mon aventure de la nuit, ou du moins ce que ma mémoire troublée m'en laissait comprendre. Assurément, blessé comme je l'étais en 3 endroits à la tête et à l'épaule, et affaibli par la perte de mon sang, je n'étais guère en état de quitter mon lit et ma chambre, mais si je restais, il y avait péril que les assassins désappointés ne cherchassent à en finir avec moi par l'ouverture élargie du plafond de quelques coups d'arquebuse. Entraîné par mon frère qui me soutenait, je sortis donc le plus précipitamment que je pus de notre logis. Mais à peine avions-nous traversé la rue, lorsqu'un bruit soudain, que nous entendîmes près de nous, nous fit ranger dans l'ombre, sous le vent de la boutique d'un barbier. Alors, d'une petite porte cachée à l'angle de notre maison, que j'avais toujours cru condamnée, mais qu'aux lumières venant du passage étroit sur lequel elle s'ouvrait, je reconnus, à n'en pas douter, pour celle par où m'avait introduite en 2 fois le vieil écuyer et les nègres sortir de la chaise, je vis se précipiter les 3 braves, l'épée à la main. Sans doute, m'ayant vu emmener de ma chambre, ils avaient espéré me couper la retraite et m'achever dans la rue. Par Santiago, à leur vue, ce qu'ils m'avaient laissé de sang me bouillonna terriblement dans les veines. Si faible que je fusse, je voulais appeler mes gens, et fondant avec eux sur ces misérables, mettre un peu d'acier en leur pourpoint, près de l'or qu'ils emportaient pour leur salaire de meurtrier. Mon frère me contint de force, ne permettant pas même que je rentrasse de la nuit en notre logement. Bon gré mal gré, il me conduisit, ou plutôt me porta, jusque près du couvent de Saint-Miguel, chez un de nos amis dont la maison était toute à nous. Ce fut là que je passai 4 jours entre la vie et la mort. Mes blessures étaient plus graves et plus profondes qu'on ne l'avait jugé d'abord. Et si mon âme ne sortit point par elle de mon corps, certes, c'est que mon bon ange l'arrêta lui-même de ses mains à ses portes ensanglantées. Étendu près d'un mois en ma couche, j'eus le loisir aussi de me jeter en des pensées et des ressouvenirs bien amers. Cette cruelle femme, qui m'avait voulu tuer, n'avait pourtant pu tuer mon amour. Oui, lâche et aveugle que j'étais, je l'aimais encore. Je me persuadai qu'elle m'avait noblement aimé elle-même. Je cherchais à son crime des excuses et les fondais sur les vraisemblances de ma faute. Je prétendais me prouver qu'elle avait bien dû se croire mortellement offensée et qu'elle avait eu de légitimes raisons de se venger. Pourquoi les salutaires réflexions que je fis seulement plus tard ne vinrent-elles pas dès lors à mon secours? Elles eussent hâté de beaucoup la double guérison de mon corps et de mon âme. Au moins tout ce qui, dans les détails de cette singulière et tragique aventure, avait été si longtemps entouré pour moi de mystères merveilleux, tout ce que j'avais été tenté parfois d'en attribuer au prestige des sorcelleries, tout cela m'avait été bien clairement expliqué par ce dénouement. Ainsi, la comtesse et moi nous habitions la même maison, bien que nos appartements eussent chacun des issues différentes. Cette ouverture du parquet de son cabinet qui donnait dans ma chambre et sur mon lit même, le hasard l'avait commencé peut-être, la curiosité l'avait disposé ensuite et masqué. C'était par là que mes actions avaient été épiées et mes discours écoutés. C'était par là que m'étaient venus ces billets tombés du ciel. Cette chaise à porteur aussi, par laquelle je m'imaginais être conduit bien loin, me prenait presque à ma porte et me ramenait à ma porte, m'ayant seulement fait voyager 1 heure par la ville. Quoi de plus simple et de moins surnaturel que tous ces incidents, mais qui se fût douté jamais de leur simplicité? Enfin, à force de les examiner et d'y réfléchir, je sus me refaire quelque calme et quelque raison. Toutes les circonstances de cette aventure n'étaient pas de nature, en effet, à entretenir longtemps les illusions de mon amour. Comment celui dont j'avais supposé cette femme éprise était-il entré en son cœur? Par ses contemplations indiscrètes et prolongées, fruit de son oisiveté et de l'étroite retraite où la laissait son mari, elle s'était enflammée de désirs grossiers. Et afin de les satisfaire sans danger pour elle-même, elle s'était avisée de tous les stratagèmes capables de lui assurer l'impunité de son déshonneur. Était-ce donc là de l'amour? Et m'eût-elle aimé enfin, et se croyant trahie, en ce furieux ressentiment, eût-elle été saisie de la soif d'une prompte et mortelle vengeance, sans plus attendre ni délibérer? Que ne faisait-elle alors assaillir et percer de dagues au détour de quelques rues? Car c'est ainsi qu'en d'honorable et subite colère, une âme passionnée est excusable peut-être de se venger. Mais non, elle avait préféré me voir égorger sous ses yeux et en son lit, afin de se défaire de moi plus sûrement, afin de m'enterrer ensuite, sans doute, au fond des caveaux de sa maison, et d'ensevelir avec mon cadavre les témoignages de toutes ses infamies, le scandale de sa vie et le crime de ma mort. Était-ce là aussi de la vengeance? J'ai peu de commerce avec les livres, et ne me mêle guère de leurs discours, mais certains philosophes, m'a-t-on confié, pensent qu'il est des occasions où l'on peut tuer ceux que l'on aime bien. Ces sages-là auront dû dire aussi, comme c'était raison, qu'il faut au moins bien aimer soi-même, pour avoir droit de tuer, et surtout tuer justement. Ce fut un soir de l'hiver de 1830 que je descendis par une pluie battante à Buitrago, dans une posada, la meilleure peut-être qu'il y ait en toute la vieille Castille, sur la route de Madrid, mais où je n'oserais pas toutefois souhaiter que le plus malveillant de mes lecteurs fût jamais contraint comme moi de passer la nuit. Après avoir essayé de manger, assis dans la cheminée, d'un certain ragoût à l'huile qui me fut compté le lendemain pour un souper, je fus mené à une vaste chambre où je me promis d'abord le dédommagement d'un sommeil facile, car il ne s'y trouvait pas moins de 4 immenses lits. Mais dès que l'on m'eut laissé seul, et qu'à la lumière de mon candile je les eus examinés tous successivement, sur cette simple inspection, non qu'elle m'eût donné, je vous assure, la moindre appréhension d'une attaque à main armée contre ma bourse ou ma personne, comme je tenais à sortir vivant de l'auberge, je me décidai inébranlablement à ne me point coucher. Cependant, tandis que de crainte de m'endormir, même sur une chaise, j'allais et venais par mon appartement, je découvris, en furetant au fond d'une armoire, un vieux livre espagnol tout poudreux, dont les rats avaient rongé plus des 3/4. Ils en avaient laissé néanmoins un chapitre à peu près intact. C'était celui qui contenait l'histoire de la Bella Malcasada. La lecture de cette histoire m'ayant doucement abrégé les heures de la nuit, j'avais résolu, par reconnaissance, de l'insérer en forme de fragment dans mes voyages et aventures en Espagne. mais en y réfléchissant, j'ai craint que l'inexorable critique ne m'accuse un jour d'avoir grossi mes œuvres complètes aux dépens des romanciers de la péninsule. Obéissant donc à des scrupules littéraires fort exagérés, m'insure-t-on, est tout à fait tombé en désuétude de ce côté des Pyrénées, avec une probité toute castillane, j'ai cru devoir me borner à reproduire à part, aussi fidèlement que j'ai pu, le récit de Don Andrés. Ainsi s'achève la belle La Malcasada par Lord Fielding.